Chapitre 22e. Le lendemain matin, en repensant à la scène de la veille, Bowen inclinait à attribuer à Rose Sellers la responsabilité des événements. « C'est sa faute, songeait-il. Pourquoi ces scrupules qui ne riment à rien? Pourquoi n'a-t-elle pas voulu nous marier tout de suite? Je serais déjà au travail au lieu de perdre mon temps dans les Dolomites. Cela ne vaut rien, à notre âge, d'avoir tant de loisirs pour peser réciproquement nos torts et nos mérites. Mais soudain, oui, pensa-t-il, mais après notre mariage, que devenaient les enfants? Évidemment, c'était Rose qui, en désirant prolonger les fiançailles, avait laissé Boyne s'engager inextricablement dans la question Water, mais une fois là, impossible de s'en désintéresser. Qu'est-ce qui serait arrivé aux petits Water sans le hasard qui les avait amenés sur son chemin? En somme, tout est pour le mieux. Il n'y a qu'à en persuader Rose, ce qui ne sera pas difficile puisque c'est un peu son ouvrage, et à ne plus penser à ce malencontre d'Aubry. Je me suis emporté hier soir. Mais c'était peut-être après tout parce que Rose avait beau feindre l'indifférence, elle était flattée tout de même de cette demande en mariage. On ne sait jamais, se dit-il, et puis il haussa les épaules. Je pouvais être obligé d'abandonner les petits dans un moment grave. Je reste au contraire à portée de leur rendre service. Tout est là. Il réussit si bien à se tranquilliser qu'il ne subsista plus qu'un nuage sur l'horizon. Il lui revenait à l'esprit ce que Rose lui avait dit, que ni l'argent ni la chicane ne serviraient à rien le jour où les Water auraient la fantaisie de rappeler les enfants. C'était mettre le doigt sur le point douloureux. 100 fois, il s'était fait la même réflexion. Mais de l'entendre dans la bouche de Rose semblait rendre le danger plus pressant. Il ne voyait que trop que les petits le tenaient beaucoup plus qu'il ne les tenait lui-même, et que c'était fou d'avoir l'illusion de modifier leur destinée. Et en attendant, les jours passaient. C'était toujours autant de gagner. La saison du lido ne battait pas encore son plein, et tant qu'elle ne finirait pas, les habitués n'auraient jamais le courage de s'en aller. Entre les démarches d'un divorce et le plaisir d'être des figurants dans la série des fêtes mondaines, Boyne était bien sûr qu'il n'y aurait pas d'hésitation. À demain, les affaires sérieuses. Car ces affaires de mariage et de divorce n'étaient jamais que des affaires où la question d'argent était le nœud des choses. Et puis, il y avait la perspective d'un bal longui au théâtre de la Fenice. Un mariage du doge avec l'Adriatique reconstitué en costume dans une copie du Bucentaure par l'élite de l'Europe. Boyne était bien tranquille, personne ne songeait encore à quitter le séjour de Venise. Les jours s'envolaient. Les arrivées à Cortina, le nombre croissant des autos sur les routes, tout montrait que le moment approchait où ce serait l'heure pour les élégants d'émigrer de la mer à la montagne. Et une fois la saison du lido terminée, ce pouvait être le désastre. C'était une question à regarder en face, et Boyne résolut d'en parler le jour même à Judith. Il était convenu entre tous les parents qu'on laisserait les petits dans les Dolomites jusqu'à la fin de l'été. Mais que valait cette promesse? Boyne, depuis un mois, n'était pas descendu à la pension Rosenglu sans s'attendre à apprendre qu'il était arrivé des ordres du Lido. Jusqu'à présent, ces ordres n'étaient pas encore venus. La pension n'avait pas le téléphone, et parmi les parents, on écrivait une lettre qu'à la dernière extrémité. Il est vrai qu'il restait le télégraphe. Mais la rédaction d'une dépêche exigeait une concentration de plus en plus difficile à mesure que la grande semaine du Lido approchait. Des dépêches, sans doute, Boyne en avait reçu autant que la jeune fille, surtout pendant les premiers jours. De longues instructions de Joyce sur l'hélénage et le régime, des divagations de Lady Orange qui exposait ses droits et ses griefs, et pour finir, une dépêche impérative de Clive Water à Boyne. Entend définitivement rien céder sur aucun point. Comment va Chipstone? Réponse payée. Boyne s'était contenté de répondre à un tout va bien, et Judith avait fait de même sur son conseil en se contentant d'ajouter quelques détails sur les santé et le moral. Elle continuait à caresser avec son frère l'espoir qu'on la laisserait à l'automne emmener tout son monde chez la grand-mère d'Amérique, ou que, à défaut de permission, Boyne l'encouragerait à exécuter secrètement ce dessein. Dans cette vue, Elle mettait de côté avec l'institutrice tout ce qu'elle pouvait gratter sur les comptes qu'il faisait tous les samedis avec elle, en lui remettant l'argent de la semaine. Mais tout cela demeurait si précaire, tellement à la merci de personnes baroques, que c'était miracle si la petite famille pouvait encore rester en paix. S'il y avait eu le téléphone, il y a longtemps que c'eût été fini. « Dès la clôture du lido, disait Boyne, ils vont vous tomber sur le dos. »« Non, » répondit-elle. « Ce ne sera qu'après Cowes, si leurs projets tiennent toujours. »« Sinon, après Venise, il y a Biarritz. »« Et dans l'entre-deux, 15 jours de Paris pour les toilettes d'automne. » Finalement, il n'y avait pas eu de régate de Cowes, ou plutôt c'est le lido qui l'avait emporté. Mais enfin, dans quelques semaines, ce divertissement lui-même aurait rejoint les vieilles lunes. Toutes ces raisons empêchaient Boyne de se sentir trop occupé par la discussion de la veille. Par une belle matinée, un petit désaccord entre deux personnes comme lui et Rose, profondément attachées l'une à l'autre, n'était rien comparé à l'affreuse menace suspendue sur la tête des petits, et Rose ne pouvait manquer de partager ce sentiment. À l'heure du déjeuner, le petit salon du chalet respirait une paix rafraîchie. Rose avait dû se lever tôt pour le remplir de brassées de fleurs. Complètement rassuré par la simplicité d'attitude et l'air de gaieté de son ami, Boyne se félicita une fois de plus des bons effets d'une longue pratique du monde chez une femme. Une sotte n'aurait pas manqué de revenir sur l'affaire de la veille. Ah, Rose était une fine mouche, il tenait à ce que Boyne s'en aperçût. Elle le faisait avec une timidité sans bassesse. Elle rendait les armes fièrement. On ne pouvait deviner son embarras qu'à une façon trop dégagée de faire oublier cet embarras. Mais c'était là une nuance imperceptible et puis, pour la faire passer, Rose avait une grande nouvelle. Elle n'abattit son jeu qu'après le déjeuner, à l'heure du café. « Figurez-vous que la tante Julie est en ce moment en mer. Elle m'a envoyé un radio ce matin. Elle vient à Paris pour vous voir. »« Tante Julie. » C'était pour Boyne. S'il prenait la peine d'y penser, quelque chose de solide, d'inamovible et de monumental. Elle lui représentait la tradition de New York, qui s'obstine en dépit de toutes les nouveautés. L'église de la Trinité prenant son vol par-dessus les flots comme la maison de Lorette ne l'eût pas surpris davantage. Ce regard incrédule égaya Rose. « Cela vous étonne, moi pas. » Tante Julie a toujours été la cadette, l'enfant délicate. La personne qu'on soigne. L'aînée, la tante Gertrude, la personne robuste qui faisait l'infirmière, est morte l'année dernière et depuis ce temps-là, tante Julie se porte comme un charme. Ils citèrent d'autres exemples de ces résurrections et Rose ajouta que si elle manquait tante Julie à Paris, elle s'attendait à la voir fréter un avion et atterrir à Cortina. Heureusement qu'il n'y a pas de champ d'atterrissage dans les Dolomites. Elle allait donc partir dans un ou deux jours, parce que la tante, habituée à trouver toutes choses aplanies, demandait un hôtel avec des conditions de confort compliquées. Une 6 cylindres qui viendrait la chercher à la gare avec un chauffeur impeccable, un médecin et une masseuse à son arrivée. Il fallait satisfaire toutes ses exigences, afin qu'elle considérât d'un œil favorable les projets de sa nièce. Il convint qu'il n'y avait pas à se soustraire à l'obligation. Il ne s'indignait plus de voir son ami obéir à des motifs un peu intéressés. Sans savoir pourquoi, il lui paraissait naturel qu'elle se mît à la disposition de la tante d'Amérique. Cela ferait diversion. Rose jeta autour d'elle un regard de regret. Elle dit enfin « Vous ne pouvez croire combien il m'en coûte de dire adieu à ce petit salon et à nos bonnes soirées. Déjà fini tout cela » ajouta-t-elle d'un ton qui laissait voir à Boyne que c'était à lui à le dire et qu'il avait manqué sa réplique. « Pourquoi fini ? Vous ne partez pas pour plus de 8 jours, j'imagine. Vous n'allez tout de même pas vous laisser accaparer en permanence par la tante Julie. » « En permanence, non. Mais je ne sais pas trop quand je pourrai me libérer. Alors venez me rejoindre. Venez dès que la tante se sera fait prendre sa tension, qu'elle aura donné son satisfecit au médecin, à la masseuse et au chauffeur. » Boyne restait interdit. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il dût se trouver enrôlé dans la cérémonie de l'établissement de la tante en Europe. « Réfléchissez, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas? Je serai la 5e roue d'un carrosse, ou prétendez-vous m'immoler au bon plaisir de la tante Julie ?» Je ne prétends rien de pareil, au contraire. Je vais me dévouer de mon mieux au bonheur de tante Julie. Je vais tout faire pour assurer le succès de son aventure européenne. Après quoi, je lui présente la note. La note. C'est vous, la note, grand innocent. Je vous présente et je lui dis, à présent que vous l'avez vue, laissez-moi l'épouser tout de suite, bon gré, mal gré. Il eut un silence que Boyne, pendant un bon moment, se sentit incapable de rompre. Rose était debout, appuyée à sa table à écrire, et tendait vers lui son corps mince, son visage où brillait un de ces rayons de jeunesse finissante qu'il avait trouvé quelquefois si exquis et si émouvant. Il le trouvait encore, mais cette fois, c'était d'une tristesse déchirante. « Alors, vous avez changé d'avis sur la date ?» Il n'osa pas dire « du mariage ». À travers une brume de malaise, il aperçut la tendre raillerie de son sourire et comprit ce qu'un tel effort dissimulait de courage. « Et je reste là comme une bûche, butor, » pensait-il. « Me prenez-vous pour une de ces femmes d'airain qui ne reviennent jamais sur ce qu'elles ont dit ?» Elle s'approcha, noua son bras entre les siens, et leva vers lui son délicat visage encore brillant de gracieuses attentes. « Me voilà, » semblait dire ce visage, « caresse-moi ou brise-moi. » Et il songeait à l'impression de désastre qu'il avait traversé la veille. Il lui dénoua les mains et les porta l'une après l'autre à ses lèvres. Ah, s'il avait trouvé un mot, ne fût-ce qu'un mot, celui qu'il fallait. « Martin, » lui dit-elle tout à coup, « ce n'est pas cela que vous vouliez. Vous ne souhaitiez pas que je me contredise ? D'abord, ma chérie, ce que je ne veux pas, c'est que vous fassiez rien pour contrarier votre tante. Rien qui puisse si peu que ce soit déranger vos projets. Non, vraiment, ça ne venait pas. Les mots lui restaient dans la gorge. Il savait bien que Rose sentait qu'il ne parlait que pour gagner du temps, mais elle revint à la charge avec gentillesse. Comme c'est généreux à vous de vous sacrifier. J'étais malheureuse comme les pierres de vous demander de rester ici quand je savais que vous n'aviez qu'une idée, nous marier et vous remettre au travail. Comment dire ? J'étais prisonnière de mon passé. J'étais l'esclave de ce conformisme que vous me reprochiez. Je ne pouvais plus secouer mes chaînes. Mais vous m'avez ouvert les yeux. Vous m'avez délivré. C'est monstrueux d'attendre si longtemps le bonheur et d'avoir peur de lui au moment de le saisir. En disant ces mots, elle lui prenait la tête et la tira vers elle. « Mais c'est fini maintenant. Je ne suis plus lâche. Je n'ai plus peur. Vous m'avez appris le courage. Maintenant, c'est à vous que je pense d'abord. Tant pis, pour tante Julie. Marions-nous le plus vite possible. À Paris, les formalités ne sont pas bien longues, n'est-ce pas? Et puis, si te marier, nous rentrerons chez nous. » Il l'écoutait avec une sorte de stupeur et il se disait en lui-même « Est-ce que je l'aime moins ?» « Mais non, ce n'est pas cela. Ce ne peut être cela. Seulement, tout nous arrive toujours à contre-temps. » Le silence se prolongea, cruel et douloureux pour Rose, pour lui opaque, impénétrable comme un mur. Il entendit fuser de très loin un pauvre petit rire. « Vous voyez, cher ami, je me livre. Vous me tenez entre vos mains. » C'est avec un visible embarras qu'il articula. « Je suis touché, très touché. » Je vous remercie. Mais avez-vous songé? Mais, ma chérie, regardez un peu où sont les choses. Quelles choses? Et un frisson parcourut tout son être. Rappelez-vous, quand vous m'avez refusé de vous marier tout de suite, je me suis engagé, vous savez bien. Il répétait machinalement. Je me suis engagé. Rose s'éloigna, prit un siège à quelques pas de lui. C'est de cette malheureuse histoire des petits Waters que vous voulez parler. Quand j'ai vu les parents à Venise, je leur ai dit, je ne voulais pas cacher, que je répondais des enfants tant qu'on me les laisserait. Quoi? Pour la vie alors? Voyons, Martin, ce n'est pas sérieux. Comment voulez-vous que je comprenne que tous nos projets, notre avenir, le vôtre et le mien, dépendent pour une durée illimitée du caprice de gens qui n'ont même pas le cœur de s'occuper de leurs enfants? Boyne balbutia. Nous n'avions pas de projet, je veux dire, nous n'avions pas de projet immédiat. Quand j'ai accepté ces ouvertures, c'est vous qui n'avez pas voulu. Ah, c'est moi qui n'ai pas voulu. Eh bien, ce que je veux maintenant, c'est que nous arrêtions nos projets et que nous les mettions à exécution. Elle se leva, un peu tremblante, très pâle, et ses sourcils faisaient une barre noire sur son front. Martin, Je vous demande de m'accompagner tout de suite à Paris. Partons demain. » Il sentit monter en lui une vague de résistance. « Demain, je ne peux pas. » Elle fit pour se dominer un effort désespéré. « Martine, je ne veux rien vous demander de déraisonnable. Encore, ma chérie, ne faut-il pas me demander l'impossible ? Je ne peux pas plus partir dans quelques jours que je ne le puis demain. Je ne peux pas abandonner ces enfants avant de savoir à quoi m'en tenir sur leur sort. J'ai promis. Je ne peux pas m'en dédire. Si je les plantais là, ils perdraient la dernière chance qu'ils ont de rester ensemble. Ma parole, Martine, vous êtes fou. Est-ce votre affaire de savoir ce que deviennent ces enfants ? J'ai donné ma parole. Je ne peux pas sortir de là. Vous n'en sortez pas parce que vous ne voulez pas en sortir. Votre parole, vous l'avez donnée parce que cela vous faisait plaisir. Et si cela vous faisait plaisir, c'est que demain il y avait raison, c'est... Rose, prenez garde, fit-il très bas. Prendre garde, il est bien temps. Et prendre garde à quoi ? Ce que je veux à présent, c'est la vérité. Je vous l'ai dit. Vous croyez me la dire. Mais la vérité, ce n'est pas cela, c'est autre chose. Que vous ne savez peut-être pas vous-même. Ou vous ne voyez pas clair encore. Entre les petits Water et moi, ce sont les petits Water que vous choisissiez. Par philanthropie, sans doute. Qui parle de philanthropie ? Je vous ai dit que je ne savais pas. Mais moi, je sais. Vous aimez Judith. Et vous êtes en train d'essayer de vous faire croire que vous m'aimez toujours. Je vous en prie, Rose, au nom du ciel, ne disons pas de paroles irréparables. C'est vous qui m'y forcez, mon cher. Écoutez-moi, mon ami. J'ai trop d'affection pour vous pour ne pas mettre par-dessus tout votre bonheur. Faites de même pour moi. Alors tout s'éclairera. Je vous en prie, efforcez-vous de voir clair en vous-même. C'est le seul moyen de ne pas me faire trop de mal. Dites-moi la vérité. Regardons les choses en face. Je ne vous demande rien de plus. Il laissa retomber ses bras et tourna vers son ami un regard découragé. Mais il ne vit qu'une chose, c'est qu'ils étaient encore plus séparés, plus éloignés l'un de l'autre qu'à leur dernier regard. Tout le reste n'était pour lui qu'un chaos de ténèbres. La vérité, comme vous dites, je n'en sais rien, cela je vous le jure. Mais je sais que ce n'est pas ce que vous pensez. Judith, pour moi, ce n'est qu'un enfant comme les autres, cela je vous le jure. Eh bien, alors ? Eh bien, cela ne fait pas que je puisse les lâcher, répéta-t-il avec obstination. Longtemps, ils restèrent silencieux, debout, sans oser se regarder. Enfin, Boyne se tourna lentement vers son ami. Elle se montrait de profil, si mince, si lasse, si exsangue, qu'il en reçut un coup au cœur. Il découvrait subitement qu'il avait été pour cette femme le roman, la grande aventure, le risque de son existence et son enchantement. Pendant les années de son mariage, sans cesser d'être irréprochable, exemplaire, patiente, gaie, elle avait, secrètement, en pensant à Boyne, amassé des trésors qu'un jour, si lointain que fût ce jour, elle trouverait sous sa main. Elle s'était exercée à attendre, pendant des mois et des années, comme on guette une proie. Un jour, elle finirait bien par apparaître, cette proie, et dès lors son bonheur ne pourrait plus lui échapper. Ah, le pauvre animal de proie qu'il voyait là, devant lui, plein de misère et de détresse. Et quelle douleur de si bien lire dans ce cœur désolé, alors que le sien semblait noué par quelque paralysie du système central. Autour de ce noyau de pierre, il lui restait une grande marge de sympathie et de pitié. Mais il savait bien que ce n'était pas par là qu'il pourrait la toucher. Elle avait trop vécu par la raison pour lui pardonner maintenant d'en appeler à sa raison. « Rose, » dit-il. Elle se retourna. Son visage apparut, non plus décomposé, mais remodelé en quelque sorte et baigné d'un éclat pareil à celui d'une belle nuit d'hiver. Ses lèvres réussirent à esquisser un sourire. Elle lui prit la main et la pressa légèrement. « Cher ami, nous n'avons dit ce soir que des sottises. Vous savez bien que je ne vous demande pas de me sacrifier les petits Water, et je sais très bien que vous ne voulez pas me sacrifier à eux. Je ne sais comment nous nous y sommes pris pour tant nous énerver. Je crois que nous aurions tort de continuer à retourner la question dans tous les sens. Il me semble que la solution me viendra tout de suite à l'esprit, si je ne me tourmentais pas tant pour la découvrir. Et je suis sûr que pour vous, ce serait la même chose. Elle s'arrêta pour reprendre haleine et poursuivit. « Au revoir. À demain, n'est-ce pas ? Demain, quand nous nous reverrons, nous confronterons nos programmes. Tout peut se résoudre d'un instant à l'autre et presque indépendamment de nous. » Elle s'accrochait à ce qui lui restait de raison dans son désastre. Elle s'y tenait sans faiblir, résolue, en prononçant les mots justes, les paroles impersonnelles, les paroles nécessaires avec des lèvres sèches et qui avaient soif de baisers. « Chérie, murmura-t-il, à demain. » « À demain. » Avant qu'il eût le temps de la prendre dans ses bras, elle avait glissé hors d'atteinte et, sans bruit, rapidement refermait sur lui la porte. Il sentit que c'était pour toujours.